Vie neuf filles, le grand noir. Enregistré par Sabine pour audiocité.net avec l'aimable autorisation de l'auteur. Gilles a peur du grand noir. Alors tous les soirs il demande à maman « Je peux dormir avec Dame Lumière ?» Et maman, en souriant, allume la veilleuse. Gilles a peur du grand noir et tous les soirs il demande à papa « Dis, tu peux laisser Dame Porte bâiller ?» Parce qu'elle me raconte des histoires et qu'elle ne peut pas le faire si elle est fermée. Alors papa, en souriant, laisse la porte ouverte. Et puis un soir, ô vilain soir, Dame Lumière n'est pas restée. Il y avait tempête dehors et plus de lumière dans la maison. Le vent soufflait, de gros nuages très noirs cachaient le ciel, et Gilles avait peur du grand noir. Mais Dame Porte n'était pas fermée, et elle a murmuré. « N'aie pas peur, Gilles, tu verras, bientôt le grand noir va tout peindre en blanc. Et ce sera beau, plus beau que le jour. Et le grand noir a tant de belles amies. » Et les gros nuages se sont mis à secouer leurs oreillers, et toutes les plumes sont descendues jusqu'à terre, et la pelouse est devenue toute blanche, et les arbres, et les maisons, tout est devenu blanc. Les gros nuages, qui avaient fini de jouer, sont partis et ont laissé le ciel s'ennuyer tout seul. Mais le ciel a appelé toutes les étincelles, ses amis, qui ont pris quelques plumes tombées et se sont cachées derrière pour habiller le noir. Maintenant, Gilles n'a plus peur du grand noir qui fait tomber la neige et allume les étoiles. Quelles sont belles les étoiles! Ce sont toutes ses amies étincelles qui se cachent derrière les plumes. Quelle est belle la neige! Ce sont toutes ses amies plumes tombées des gros nuages. Gilles s'endort en pensant à toutes ses petites amies qui veillent sur lui et qui aiment le grand noir. Alors lui aussi aime le grand noir, même s'il n'est pas vraiment plus beau que le jour. Et puis, Dame Porte et Dame Lumière peuvent enfin se reposer.